vendredi après-midi. Le papier. Le tabac. Le briquet. Bonjour et bienvenue à cette émission Rock Classique. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les 4 prochaines heures. Aujourd'hui, c'est le 3e vendredi du mois, ce qui signifie que c'est spécial 3 pour 1, l'émission Rock Classique. On va donc entendre tout au long de l'après-midi des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe qui représente certains des styles de musique associés et regroupés sous la grande bannière Rock Classique. On va entendre du hard rock, du blues rock, du boogie, du southern rock, du folk rock, du rock psychédélique, ainsi que, comme d'habitude, un peu de métal vers la fin. On va entendre, entre autres, des artistes des formations comme Led Zeppelin, Kiss, Alice Cooper, Doobie Brothers, The Doors, Rolling Stones, Deep Purple, CCR, Crosby, Stills, Nash, et bien sûr, je vais vous parler du concert de Paul McCartney à Québec. Je vais aussi vous parler des rééditions d'Offenbach, Bulldozer et Synchrone de Néant. De plus, je vais vous présenter un groupe de rock psychédélique très obscur de la fin des années 60. Un groupe à peu près connu seulement des érudits du rock, le quintet Moby Grape de San Francisco et plus particulièrement leur premier album éponyme paru en 1967 et qui est considéré par certains comme un véritable chef-d'œuvre. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en douceur avec un des plus grands groupes des années 60, un des plus influents de toute l'histoire du rock, The Byrds, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou! It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come every night. Those saucer-shaped lights put people uptight. Leave blue-green footprints that glow in the dark. I hope they get home all right. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Woke up this morning, I was feeling quite weird. Had flies in my beard, my toothpaste was smeared. Over my window, they'd written my name. Said, so long, we'll see you again. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Please take me along, I won't do anything wrong. Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along for a ride? Everywhere I see you, I see you. Turn on eyes, catalyze, empathize. I see you. sun through the cave of your hair. Wind washing fields, kind of space living there. I see you. I know you. Looking for a seventh floor, First World War. I know you. Who lives there? Hello there, I'm aware that you care. Who lives there? Three specks bright spiraling out in the sky. Catch my eye and turn my head. Have to look, don't know why. Who lives there? For a while, edge of smile, just a silent thought talk. I see you under there, behind your head, everywhere. I see you. I see you. High, un immense classique du rock, une des premières pièces aériennes et psychédéliques de l'histoire du rock, pièce apparemment inspirée par le vol transatlantique qui a amené les Byrds en Angleterre en tournée en 1966. Cette pièce avait été interdite dans certaines stations de radio à l'époque à cause de supposées références sur la drogue. Le groupe a toujours nié. Juste avant ça, on a entendu la pièce I See You, une collaboration de David Crosby et Roger McGuinn que le groupe de rock progressif britannique Yes ont repris sur leur premier album éponyme en 1969. Au début du bloc, on a entendu une composition de Roger McGuinn à saveur country, Mr. Spaceman, un sujet très en vogue. Mr. Spaceman à la fin des années 60 avec l'imminence du premier voyage habité vers la Lune. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. On va poursuivre maintenant avec CCR à l'antenne de C'est Fou. Thank you. Vous êtes dans la dimension rock classique. CCR, Creedence Clearwater Revival, avec leur reprise du succès de Ricky Nelson, Hello Mary Lou, qu'on retrouve sur leur dernier album studio, Mardi Gras, paru en avril 1972, tout comme la pièce qu'on a entendue au début du bloc, le gros succès de l'album, Sweet Little Hitchhiker, la seule vraie bonne pièce du disque, un disque vraiment pas bon, vraiment très médiocre. Entre les deux, on a entendu Bad Moon Rising, immense classique du rock, à mi-chemin entre le rockabilly et le country. Pièce qui, malgré une musique plutôt joyeuse et enlevante, nous parle de danger, de mort, de catastrophe à venir et de fin du monde. Il s'agit vraiment d'un texte paradoxal par rapport à la musique qui, elle, est très joyeuse. C'est une autre de ces pièces qui viennent souligner le côté sombre et surprenant de John Fogerty. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. Vous pouvez visiter notre site web à l'adresse www.rockclassique.net sur lequel vous risquez de retrouver des choses qui pourraient vous intéresser. Il y a des liens vers certains des plus beaux sites internet de plusieurs artistes rassemblés comme ça sous la grande bannière Rock Classique. On retrouve aussi les canevas des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué spécifiquement dans une émission en particulier ou encore consulter le top 30 des meilleurs albums Rock Classique. Il y a les tops des années passées, un lien pour me contacter, une section balado-diffusion si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine. Le site se trouve au www.rockclassique.net et fait très rare de nos jours, on ne retrouve pas de publicité sur le site. On va maintenant poursuivre avec un peu de rock psychédélique. Dans une quinzaine de minutes, je vais vous présenter mon groupe obscur de la semaine, la formation Moby Grape de San Francisco. Mais tout de suite, on va poursuivre avec un autre groupe de San Francisco, mais celui-là très connu, Jefferson Airplane. Sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des amateurs de rock de Trois-Rivières, c'est vous! Sure. Stay out of the way of the bloodstained man. Oh, good shepherd, be my sheep. One for all, amateurs de métal progressif et de power metal, l'émission La Brique et le Fanal est de retour tout l'été, les mardis à 19h. Votre animatrice, Michel, vous présentera des formations qui dominent ce style dans le monde entier. Des formations telles que Stratovarius, Vandenblass, Opeth, Savatage, ainsi que beaucoup d'autres. La Brique et le Fanal, le mardi à 19h sur les ondes de C'est Fou 89.1. Éclosion est une association qui permet chaque année à des étudiants de l'UQTR de faire des stages à l'étranger, tout en contribuant au développement humain des pays défavorisés par du développement durable. Cette année, nous investissons nos efforts dans la réalisation d'un symposium le 9, le 10 et le 11 novembre prochain, qui réunira pour la première fois l'ensemble des associations étudiantes canadiennes en coopération internationale ainsi que de nombreux commanditaires. Venez nombreux assister au symposium. Pour plus de détails, visitez notre site internet au www.eclosion.ca. We can be together. Jefferson Airplane avec We Can Be Together, la pièce qui ouvre leur album Volunteers de 1969. Juste avant ça, on a entendu le classique Somebody to Love. Ça vient bien sûr de l'album Surrealistic Pillow de 1967. Et au début du bloc, on a entendu une autre pièce tirée de Volunteers, c'est-à-dire Good Shepherd. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Je vous parle maintenant d'un groupe obscur, un groupe de San Francisco, inconnu du commun des mortels, mais qui était promis à un bel avenir. Et ils ont eu beaucoup d'influence sur Robert Plant de Led Zeppelin, notamment Robert Plant qui vénérait véritablement leur premier album éponyme. Le quintet Moby Grape qui a été victime de plusieurs circonstances qui l'ont laissé dans l'obscurité et qui font qu'aujourd'hui le groupe est seulement connu des érudits de l'histoire du rock. Pourtant, à leur début, ils ont bénéficié de beaucoup de pushing de la part de leur étiquette de disque qui voyait en eux les nouveaux Birds et même les prochains Beatles. Le groupe était formé notamment du guitariste, chanteur et compositeur canadien Skip Spence, qui s'était fait remarquer auparavant au sein du Jefferson Airplane en tant que batteur sur leur premier album Takes Off de 1966. Les quatre autres étaient également très talentueux et leur premier album était vraiment bon. Il s'agit de très bon rock psychédélique, un groupe très versatile qui mélangeait la pop, le blues, le country, le folk au rock and roll pur et qui privilégiait les belles harmonies vocales. Même si on parle de rock psychédélique, on ne retrouve pas de jam interminable dans leur musique comme leurs contemporains, puisqu'ils privilégiaient plutôt les belles mélodies et les chansons concises. Ça les différenciait vraiment des autres, de la plupart des autres groupes de San Francisco. Ça aurait dû obtenir un grand succès, Moby Grape. On va tout de suite écouter 6 pièces tirées de ce premier disque éponyme de Moby Grape, paru en 1967, l'été de l'amour, à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou! guess you're leaving soon. I can't go on without you. It's useless to try to love you so good. Keep you would be so wonderful. Here is my heart that I give. It's all that I have. Please change your mind before my sunshine is gone. Do you think you could try? Do you think you could try? Saying that I love you, 'cause you know. Un des groupes les plus versatiles issus de la scène de Eight Ashbury à San Francisco. On vient d'entendre certaines des meilleures pièces tirées de leur très bon premier album éponyme de 1967, Moby Grape. On vient d'entendre la pièce Changes, qui est une des pièces les plus vivantes du disque. Juste avant, on a entendu Ain't No Use, une pièce à saveur country, bluegrass. On a aussi entendu 805, une ballade d'inspiration folk avec une très belle partition de guitare acoustique qui préfigurait un peu ce que Crosby, Stills et Nash allaient faire à partir de 1969. Précédemment, on a entendu Fall On You, une des premières tentatives de mariage entre le hard rock et le country. Et au début du bloc, on a entendu la pièce Hey Grandma qui ouvre le disque avec vigueur et qui se moque un peu de la mode qui consistait à l'époque pour les jeunes filles à porter des vêtements de leur grand-mère, des robes victoriennes avec des petites lunettes rondes. Très bon disque que ce premier Moby Grape qui aurait dû obtenir beaucoup de succès. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. L'étiquette de disque a monté une campagne de promotion catastrophique en sortant simultanément tous les titres de l'album en 45 tours. C'est un flop complet. Et ils se sont pas repris par la suite. Moby Grape ont aussi eu des problèmes avec leur gérant. Il y a des membres du groupe qui ont été arrêtés pour avoir fricoté avec des mineurs. Ça n'allait pas bien leur affaire. Un premier disque qui a donc été un flop, mais le groupe en a sorti un deuxième intitulé Wow, sorti dans une magnifique pochette surréaliste en 1968. Un album toutefois beaucoup moins brillant et réussi que le premier. Et qui n'a pas eu non plus de succès. Skip Spence, le guitariste-chanteur, s'est retrouvé à l'asile après avoir sauté la coche carrément à New York. Et il ne s'en est jamais vraiment remis. Le groupe s'est séparé à la fin des années 60 après trois autres disques qui ont plus ou moins d'intérêt. Skip Spence est décédé il y a quelques années, pauvre comme Job, et avec des gros problèmes psychiatriques. Faut dire que, à l'instar de Syd Barrett, la consommation d'acide de Skip Spence ne l'a définitivement pas aidé. Triste fin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe de rock psychédélique très obscur, Ultimate Spinach. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. On va tout de suite poursuivre avec un autre des très grands groupes qui est sorti à l'ère psychédélique, mais qui sont, eux, très, très connus. The Doors, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières est la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Otis dead and gone, left me here to sing his song. Pretty little girl with a red dress on, poor Otis dead and gone. Yeah, back down to rest, slowly try it again. Remembering when it was easy to try it again. Much too easy remembering when. Stock fight the walking blues. Don't fight so much to lose. Can't fight the running blues. Well, I've got the running blues. Running away back to L.A. Got to find the dock in the bay. Maybe find it. Running scared, running blue. Gone so fast, but I do. got too much to lose. Can't fight the running blues. Avant de ne plus rien entendre, Santé Canada vous recommande d'écouter Vidon Ladon la question le mercredi à midi sur les ondes de C'est fou. Ne manquez surtout pas les rediffusions de Vidon Ladon la question le vendredi 9h, le samedi midi et le lundi 16h. Sur les ondes de C'est fou 89,1 FM à Trois-Rivières. Tunisiana est fière d'ouvrir ses portes avec un concept unique. Couscous, tagine, poisson méditerranéen et grillade. Apportez votre vin et votre faim au Tunisiana, 3070 des Forges. Pour réservation ou événements spéciaux, 379-0123. Tunisiana. C'est un portail d'informations sur votre radio. Les actualités littéraires et les spectacles à voir absolument. C'est.ca, c'est le palmarès des concours forums. C'est.ca, c'est le site de radio universitaire où vous pouvez visiter de la francophonie. C'est.ca, c'est la possibilité d'écouter vos émissions en ligne partout sur la planète. C'est.ca, c'est tout ça. Une présentation de vos détails. C'est fou dans vos oreilles! Yeah. second secret alphabet sigh. Light another cigarette. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. We'll be right back. burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. Cops in cars, the topless bars, never saw a woman. Jim Morrison and the Doors avec la pièce titre de l'album Elle est Woman de 1971. Juste avant ça, on a entendu une version spectacle de Soul Kitchen qu'on retrouve sur l'album In Concert qui est paru en 1990. Au début du bloc, on a entendu Running Blue, pièce plutôt tirée de l'album The Soft Parade de 1969. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. On va maintenant poursuivre. Dans une quinzaine de minutes, on va entendre Crosby, Stills, Nash. Et aussi, dans 25 minutes environ, on va entendre Paul McCartney. Mais tout de suite, on poursuit avec un des plus grands groupes de rock au monde. Rolling Stones, à l'antenne de Cifou 89.1, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. craft and pleasure. The stream flows on by. Yes, as we sated in leisure, we watch it fly. Yes. And time waits for no one. Or destroy a woman's face. Rolling Stones avec la très belle pièce Time Waits for No One tirée de leur album It's Only Rock'n'Roll de 1974. Juste avant ça, on a entendu deux pièces tirées de leur album classique Exile on Main Street de 1972. On a entendu Rocks Off, la pièce qui ouvre l'album, et au début du bloc, on a entendu Tumbling Dice. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Tout de suite, on va poursuivre avec un trio qui était en spectacle cette semaine à Montréal. Crosby, Stills and Nash, à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes de Trois-Rivières et la seule station qui fait tourner du vrai rock. C'est fou! Lead her away from this foreign land. never laugh again. We are leaving. Get on the south on my shoulder. Guess I'll set a course and go. Si vous rencontrez une personne qui a la fibrose kystique, vous ne vous rendrez peut-être pas compte qu'elle est atteinte d'une maladie génétique mortelle. Parce que c'est de l'intérieur que la fibrose kystique tue. La fibrose kystique empêche les personnes atteintes de respirer normalement en détruisant graduellement leurs poumons. C'est la façon dont elles vivent et meurent. Pour en savoir plus, visitez fibrosekystique.ca et donnez-leur le souffle de vie. Entrez dans la spirale dès 18h sur C'est Fou 89.1. C'est Fou.ca, c'est un portail d'informations sur votre radio. Les actualités luthériennes et les spectacles à voir absolument. C'est Fou.ca, c'est le palmarès, des concours, un forum. C'est Fou.ca, c'est le site de radio universitaire le plus visité de la francophonie. C'est Fou.ca, c'est la possibilité d'écouter vos émissions en ligne partout sur la planète. C'est Fou.ca, c'est fou ça. Une présentation d'Infotech Internet. C'est fou dans vos oreilles. One morning I woke up and I knew it all. A new day, a new way, and new eyes to see it all. Go your way, I'll go mine. Carry on. The sky is clearing and the night is brighter. The sun, he come, the world is all up. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. The fortunes of fables are able. Thank you. Vous êtes dans la dimension rock classique. Crosby, Stills, Nash & Young avec leur reprise d'une composition de la Canadienne Joni Mitchell, Woodstock, qui, réellement, n'a jamais été à Woodstock, contrairement à Crosby, Stills, Nash & Young. Pièce qu'on retrouve, classique qu'on retrouve sur l'album Déjà Vu de 1970, tout comme la pièce qu'on a entendue juste avant, Carry On, un autre classique. C'est la pièce qui ouvre l'album Déjà Vu. Et au début du bloc, on a entendu un autre classique, Wooden Chips, qui est paru à l'origine sur le premier album éponyme du groupe, sorti en 1969, à l'époque où ils étaient tout simplement un trio. Ils ont donné un bon concert apparemment à Montréal, mais il semble que seule la voix de David Crosby ne semble pas avoir subi les affres du temps, ce qui est tout de même surprenant. Parmi les concerts à venir qui pourraient vous intéresser, lundi le 4 août pour les amateurs de métal, Testament sera à l'Impérial de Québec. Samedi le 9, Def Leppard sera au Colisée de Québec avec Billy Idol qui ouvre le concert. Judas Priest et Voivod seront au Centre Bell le 12 août, c'est un mardi. Le mercredi, le lendemain, c'est Rod Stewart qui sera à son tour au Centre Bell. Finn Troll sera au Medley le mardi 26 août et le mercredi, le lendemain, ils seront à l'Impérial de Québec. Nightwish sera au Metropolis de Montréal le lundi 1er septembre avec Sonata Arctica. Halloween et Gamma Ray seront à la salle Albert Rousseau de Québec le jeudi 18 septembre et le lendemain, ils seront au Medley de Montréal. Amorphis, Leaves Eye, Samael et Virgin Black seront au Foufoune Électrique le vendredi 3 octobre et finalement, Alice Cooper sera au Théâtre Saint-Denis le mercredi 15 octobre. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. On va tout de suite poursuivre avec justement un artiste qui a donné un spectacle tout à fait extraordinaire à Québec sur les plaines d'Abraham. Paul McCartney sur les ondes de Cifou 89.1. You dans la dimension classique. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laugh at him behind his back. Avec un classique de l'ère psychédélique, Penny Lane, tiré de l'album Magical Mystery Tour de 1967, une pièce que j'ai été très étonné et heureux d'entendre dimanche dernier au concert de Paul McCartney. C'était vraiment fantastique. Juste avant, on a entendu Lady Madonna, une autre pièce que j'ai été très surpris d'entendre Paul interpréter. Au début du bloc, on a entendu une autre des grandes surprises pour moi au concert, la pièce Mrs. Vanderbilt, qui est paru à l'origine sur le disque Band on the Run de 1973, qui est un des plus remarquables de la carrière en solo de l'ex-Beatle. Paul McCartney a donné un excellent concert, tout à fait mémorable sur les plaines d'Abraham dimanche dernier. Paul, qui était dans une très grande forme malgré ses 66 ans, il ne défait définitivement pas. Il donne vraiment un concert fantastique de plus de 2h30. Quand je pense à Paul McCartney, le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est magnifique. Je pense que le mot est tout à fait approprié à Paul McCartney. Magnifique. Son groupe est absolument excellent, particulièrement le batteur Abe Laboriel Jr., qui est très puissant et pesant. Les interprétations des pièces des Beatles et des Wings étaient tout à fait sensationnelles. Et Paul a autant de voix aujourd'hui qu'il en avait à 20 ans. C'est vraiment une prestation tout à fait absolument parfaite que Paul et son groupe a donné ce soir-là. Tout à fait inoubliable. Un répertoire rempli de merveilles. Par contre, du côté négatif, et un autre point qui est aussi tout à fait inoubliable, et ça pour de mauvaises raisons, contrairement à ce que certains grands médias ont rapporté, l'ouverture des barrières, ça s'est vraiment pas très bien passé. Et là, j'ai vraiment pas de félicitations à faire aux responsables de la sécurité de l'événement. J'étais près de la clôture à 17h, et je peux vous dire que ça s'est passé de façon tout à fait chaotique. Ils sont très chanceux qu'il n'y ait pas eu de blessés plus graves parce que ça s'est vraiment pas bien passé. C'était assez dangereux. Je peux vous dire que ceux qui se sont retrouvés le plus près de la scène, c'est pas nécessairement ceux qui ont attendu le plus longtemps dans la file. tellement chaotique, l'ouverture des barrières, qu'à peu près personne n'a été fouillé, ce qui est tout à fait incroyable. La sécurité a perdu tout à fait le contrôle. Il y en a qui avaient l'air d'une belle gang d'amateurs. Il y a beaucoup de gens qui ont attendu très longtemps, qui étaient très déçus, des vrais fans des Beatles et de McCartney qui se sont fait shifter par des gens malhonnêtes. Ça, c'était vraiment pas fort. J'ai pas de félicitations non plus pour la police de Québec qui n'a pas fait grand chose pour faire de l'espace un peu dans la file d'attente dans la journée. Les gens étaient massés les uns sur les autres dès 9h le matin, quand il y a eu un mouvement de foule. Ils étaient massés dans un espace extrêmement exigu, ce qui fait que bien du monde était vraiment agressif toute la journée. Ça aurait pu dégénérer assez facilement. On aurait pu assister à quelques bagarres. Ça n'a pas assez proche. J'ai été témoin moi-même de scènes qui étaient loin d'être chic dans la file et aux abords. Je peux vous dire que c'est pas les plus jeunes qui étaient les plus agressifs. Vraiment pas une expérience plaisante d'avoir passé la journée dans la file dimanche dernier. Quand la presse parle de Woodstock de Québec, je trouve ça pas mal drôle, puisque même devant la scène, c'était agressif. Et j'ai vu beaucoup de gens empêcher du monde de regagner leur place parce qu'ils étaient soit allés aux toilettes ou se chercher une bouteille d'eau. Des gens recevoir des menaces ou insulter. C'était vraiment pas chic. J'ai trouvé ça très bizarre de voir ces mêmes personnes agressives faire des signes de paix, les deux bras tendus pendant que Paul chantait « Give Peace a Chance ». Consternant. Mais le concert était fantastique et c'est ce qu'on va retenir. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Dans l'histoire du rock, un des groupes canadiens les plus importants, c'est The Guess Who. Et on poursuit tout de suite avec un de leurs classiques, Hand Me Down Where, à l'antenne de CFOU 89.1. préparez-vous pour votre session d'électrochoc. Tunisiana est fière d'ouvrir ses portes avec un concept unique. Couscous, tagine, poisson méditerranéen et grillade. Apportez votre vin et votre faim au Tunisiana, 3070 des Forges. Pour réservation ou événements spéciaux, 379-0123. Tunisiana. Bonjour, ici Jean l'Italien. La Fondation Mira vous invite à devenir famille d'accueil pour un de ses chiots. Entouré de vos bons soins pendant la première année de sa vie, le chiot apprendra à socialiser afin d'être préparé à son futur travail de chien guide ou d'assistance. Hey, vous aimeriez devenir famille d'accueil? Composez le 450-795-3725 ou tapez www.mira.ca puis cliquez sur Aider Mira pour compléter le questionnaire. Mira a besoin de vous. Vous pouvez faire la différence. Écoutez-nous en direct partout sur la planète net au cfou.ca. Some way, no time left for you. Distant road. êtes dans la dimension rock classique. Have you been around? Have you done your share of coming down on different things that people do? Have you been aware? You got brothers and sisters who care about what's gonna happen to you in a year from now. Maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. I'm talking about together now. Maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away. We all live together. I'm talking about together now. Did you pay your dues? Did you read the news this morning when the paper landed in your yard? Do you know their name? Without losing track and coming down a bit too hard. Oh, maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. I'm talking about together now. Maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. I'm talking about together now. We're talking about together now. Maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land that they'll be giving away when we all live together. Together, together. Shake your hand. No, I'll be standing by. I'll help you if you worry. Shake your hand. No more sadness, no more sorrow. No more bad times. Shake your hand. Every day coming sunshine. Shake every day. La formation canadienne The Guess Who avec la pièce titre de leur album Share the Land, paru en 1970. C'est un de leurs meilleurs albums. C'est paru en octobre 70. Tout comme la pièce qu'on a entendue au début du bloc, Hand Me Down World, c'est aussi tiré de l'album Share the Land. Et entre les deux, on a entendu un autre classique, No Time, tiré du non moins classique album American Woman, qui est aussi paru en 1970, celui-là en mai. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Je vous parle maintenant de nouveautés, en fait. Nouveauté. Il s'agit plutôt de réédition. Il s'agit de deux des premiers albums de Offenbach qu'on vient de ressortir avec des pièces en bonnie. Deux albums qui n'étaient plus disponibles depuis les années 70, qui ne sont jamais sortis en CD, les albums Bulldozer et Synchrone de Néant. Pour les vieux fans d'Offenbach, il s'agit d'une très bonne nouvelle. Personnellement, j'ai toujours préféré les premiers albums du groupe à ceux qu'ils ont fait avec John McGale. Le groupe est devenu beaucoup trop corporate rock à mon goût à partir du début des années 80. Offenbach, pour moi, ça s'arrête avec le disque en fusion avec le Vic Vogel Band en 79. J'aime mieux les premiers albums sur lesquels le groupe expérimentait et trippait vraiment rock and roll, surtout l'album double Tabarnak et l'album Caricature de 1977. Il y a une fougue et un plaisir évident sur ces albums-là. Bulldozer, c'est la rencontre du poète, musicien et réalisateur de films Pierre Harel avec les membres d'Offenbach. Offenbach qui existait depuis les années 60 et qui était fatigué un peu d'interpréter des reprises de groupes anglais et américains. Et ils avaient commencé à composer leur propre musique et c'est Harel qui les a encouragés à écrire en français parce qu'au début, Jerry Boulet était tout à fait opposé à l'idée de chanter en français parce qu'il trouvait que du vrai rock, ça ne se faisait pas en français. Et c'est Pierre Harel qui les a fait changer d'idée et qui écrivait leur premier texte. Harel qui travaillait un projet de film quand il a rencontré les frères Boulet, Johnny Gravel et Willy Lamotte, il leur a proposé de composer la musique de son film, Bulldozer. C'est ce que les gars ont fait. Ils ont enregistré leur premier classique pour la trame sonore de ce film, Bulldozer, dont Call in the Blues et Faut que je me pousse, en plus de plusieurs autres pièces. Ça devait sortir sur le disque de la trame sonore du film, sauf que ça a pris beaucoup de temps avant que le fameux film en question sorte, ce qui fait que Offenbach a eu le temps de faire un autre album entre-temps, un premier album avec Stéphane Venn, Soap Opera, en 1972, sur lequel on retrouvait quelques pièces de Bulldozer. Le groupe a continué à faire des spectacles un peu partout au Québec, entraînant son orgue Hammond B3, qui est un véritable monstre de 300 ou 400 livres, jusqu'à ce que Pierre Harel ait l'idée de jouer la messe des morts à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal en novembre 72, dont on a tiré l'album Synchrone de Néant, qui est sorti au début de 1973, un véritable album culte pour les amateurs de rock québécois. Véritable événement que cette messe des morts qui s'est déroulée devant 3000 spectateurs et qui a été diffusée en direct sur les ondes de Chaume FM. Finalement, le film Bulldozer est sorti le 14 février 1974, en même temps que le disque. Mais à ce moment-là, les membres de Offenbach étaient en France pour le tournage du film Tabarnak, qui est devenu l'album du même nom. On va tout de suite écouter trois pièces parmi les plus remarquables tirées de ces deux disques, Bulldozer et Synchrone de Néant d'Offenbach, à l'antenne de la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! légal. Broyez en millions de miettes. Cette salle-là est devenue une salle comme n'importe quelle autre. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y en a qui veulent... Pièces tirées des toutes nouvelles rééditions des albums Bulldozer et Synchrone de Néant d'Offenbach. On vient d'entendre la pièce Rire aux larmes, qui est peut-être la plus connue de Synchrone de Néant. album qui est sorti au début de l'année 73 après avoir été enregistré lors de la messe des morts à l'oratoire Saint-Joseph l'automne précédent. Juste avant, on a entendu deux pièces tirées de la trame sonore du film Bulldozer, le classique Call in the Blues, ainsi que la pièce titre du film Bulldozer. Ces deux rééditions sont sorties en juin et, chose très intéressante pour les fans d'Offenbach de la première heure, on retrouve des pièces en bonnie. C'est d'autant plus intéressant sur Synchrone de Néant puisqu'on a rajouté des pièces inédites qui ont été jouées pendant la messe des morts, une vingtaine de minutes de musique, alors que sur Bulldozer, il s'agit seulement de versions alternatives différentes de deux pièces qu'on retrouve déjà sur l'album. Ça, c'est vraiment pour les vrais, de vrais maniaques d'Offenbach qui veulent tout ce qu'il y a en rapport avec eux. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre nouveauté, le tout nouvel album de Alice Cooper qui sort mardi prochain. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. Tout de suite, on poursuit avec la musique. Justement, je viens d'en parler. C'est un des meilleurs artistes que j'ai eu le plaisir de voir en concert. Il sera à Montréal en spectacle en octobre. Une véritable bête de scène. Alice Cooper sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. La station des mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou! Le mercredi à midi sur les ondes de C'est Fou. Ne manquez surtout pas les rediffusions de Vidons la dent la question. Le vendredi 9h, le samedi midi et le lundi 16h. Sur les ondes de C'est fou 89,1 FM à Trois-Rivières. Tunisiana est fière d'ouvrir ses portes avec un concept unique. Couscous, tagine, poisson méditerranéen et grillade. Apportez votre vin et votre faim au Tunisiana, 3070 des Forges. Pour réservation ou événements spéciaux, 379-0123. Tunisiana. CFOU.ca, c'est un portail d'information sur votre radio. Les actualités utériennes et les spectacles à voir absolument. CFOU.ca, c'est le palmarès, des concours, un forum. CFOU.ca, c'est le site de radio universitaire le plus visité de la francophonie. CFOU.ca, c'est la possibilité d'écouter vos émissions en ligne, partout sur la planète. CFOU.ca, c'est tout ça. Une présentation de vos deux. C'est fou dans vos oreilles! Cooper avec la pièce titre d'un de ses chefs-d'œuvre, l'album Billion Dollar Babies de 1973, tout comme la pièce qu'on a entendue au début du bloc, la pièce No More Mr. Nice Guy, un classique. Entre les deux, on a entendu My Stars, une pièce que j'aime bien tirée du disque Schools Out de 1972 et que Alice a interprété souvent en concert. Il y a un nouvel album qui sort mardi prochain intitulé Along Came a Spider. Il sera au Théâtre Saint-Denis de Montréal le 15 octobre. Ses derniers albums étaient en général assez bons. Et il est pas mal toujours excellent en concert à Alice. Donc, c'est à surveiller. La semaine prochaine, vendredi prochain, je vais vous en parler de ce nouvel album de Alice, Along Came a Spider. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. On va poursuivre avec, quelque chose de surprenant aujourd'hui, Mr. Frank Zappa et les Mothers of Invention à l'antenne de C'est Fou 89.1. Why don't you sharpen my band? I like it. Round ball, that's a good one. That white can't do nothing. Did a vehicle, did a vehicle fly along the mountains and find a place to park itself? Park itself. Park it, park it. Or did someone build a place to leave a space for such a thing to we'll be right back. is what she wrote. And did she have a mother? Or was she something different? Welcome, Mary Queen. Welcome, Mary Queen. Welcome, Mary Queen. And the armadillo, when I said this is her, her heart is something to live. And it's special just to think to learn. Chester's thing. Thank you. that we don't need you. Don't go for help, no one will heed you. Your mind is totally controlled. It has been stuffed into my mold. And you will do as you are told until the rights to you are sold. Frank Zappa et les Mothers of Invention avec I'm the Slime de l'album Overnight Sensation de 1973. Véritable diatribe contre la télévision et le contrôle qu'elle exerce sur certaines personnes. Juste avant, on a entendu Can't Afford No Shoes du disque One Size Fits All de 1975, une pièce qui surprend par l'absurdité des paroles qui suivent, une pièce aussi complexe que Inca Road qui ouvre l'album et qu'on a entendu juste avant, au début du bloc, Zappa qui s'amusait comme ça à décontenancer les auditeurs en enchaînant volontairement avec une pièce dont les paroles sont tout à fait ridicules et simplistes. Have you heard the news? Can't afford no shoes. C'est vraiment tout à fait grotesque, mais calculé comme effet. Inca Road, de l'autre côté, c'est une pièce très complexe, vous l'avez vu, progressive. Le texte, au début, parle de soucoupes volantes et des lignes de la Nazca qu'on retrouve dans les Andes au Pérou, que certains considèrent comme des pistes d'atterrissage pour des vaisseaux extraterrestres. Par la suite, Zappa prend un virage drastique dans la pièce. Il se met à parler de la vie en tournée, raconte l'histoire d'un des musiciens qui s'était retrouvé la veille avec une groupie extrêmement laide et qui semble avoir fait une impression remarquable sur Zappa. On dit que le musicien en question, c'était le batteur Chester Thompson. Et Zappa est même revenu sur le sujet dans une autre chanson du disque One Size Fits All, soit Florentine Pogan. Apparemment, Zappa a commencé à travailler sur la musique de cette pièce en 1970, donc 5 ans avant que l'album sorte. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classic, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste. D'ici 17h, on va entre autres entendre la musique de Kiss, Deep Purple, Led Zeppelin, mais tout de suite, on écoute les Doobie Brothers à l'antenne de CFOU 89.1, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. Gotta Écoutez les capsules sur la vie de Maximilien de Robespierre, présentées par Régis Solery sur les ondes de C'est fou. Tous les samedis, lundis et mercredis matin, 9h. Vous pouvez réécouter les capsules de M. Régis Solery en vous rendant dans la section balado-diffusion sur le site de cifou.ca. Je comprends vraiment rien. C'est quoi ça, un tétrocard? La connexion, c'est pas pour les humains, c'est pour les robots. La Connexion, c'est l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est des nouvelles, des critiques, de la musique de jeu, des sites web et tellement plus. L'émission la plus rapide au monde, c'est La Connexion. En direct les mardis à 11h à C'est Fou 89.fm. CFou.ca pour tout savoir sur notre programmation et nos animateurs. CFou.ca, c'est de la balado-diffusion. CFou.ca pour nous contacter. CFou.ca pour nous écouter en direct sur le net. CFou.ca, c'est fou ça. C'est fou, fou dans mon oreille. 89. Keep on getting ready for the move. Summer. C'est dans la dimension rock classique. Avec trois pièces tirées de leur excellent deuxième album, Toulouse Street, de 1972. On vient d'entendre Jesus is just alright, une merveilleuse reprise d'un classique du répertoire gospel, qui est devenu à son tour un véritable classique du rock. C'est l'ancien guitariste des Byrds, Gram Parsons, qui l'a fait connaître au public rock. D'ailleurs, les Byrds en ont fait une version aussi après que Parsons ait quitté le groupe. Pas mal moins bonne, la version des Byrds, que celle des Doobie Brothers. La version des Doobie Brothers, la partition de guitare de Tom Johnson est vraiment très, très, très bonne. Juste avant ça, on a entendu un des premiers gros succès des Doobies, Listen to the Music, qui ouvre l'album Tulu Street. On remarque des éléments de country sur cette pièce, sur laquelle on retrouve de très belles harmonies vocales. Qui ont fait la marque de commerce, un peu la marque de commerce des Doobie Brothers. Au début du bloc, on a entendu une autre pièce tout à fait typique de leur répertoire et tout à fait appropriée à la saison estivale, Rocking Down the Highway. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Classique est une émission qui est consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. D'ici la fin de l'émission, on va entendre entre autres la musique de Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, mais tout de suite, on poursuit avec Led Zeppelin. À l'antenne de C'est Fou 89.1, la seule station qui diffuse du vrai rock à Trois-Rivières. see my friends coming, riding many a mile. Friends, you get some silver, you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know that we're too damn poor from the gallows pole. Drive our ships to New Land. Led Zeppelin avec leur classique Immigrant Song qui ouvre leur non moins classique troisième album paru en 1970. Juste avant, on a entendu Gallows Pole, une reprise d'un classique du gospel, du blues, qu'on retrouve aussi sur Led Zeppelin 3. Et au début du bloc, on a entendu Hey, Hey, What Can I Do? Pièce qui est sortie en 45 tours. En fait, c'était la face B du 45 tours Immigrant Song, paru en 1970. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre pour encore une trentaine de minutes au cours de laquelle on va entendre entre autres la musique de Kiss. Mais tout de suite, on écoute Deep Purple à l'antenne de CIFU 89.1, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. Diffusant le signal exceptionnel de la radio exceptionnelle partout dans le monde.

Dimension Rock Classic. Deep Purple avec, c'est une des très très bonnes pièces qu'ils ont enregistrées avec Steve Morse, qui était le successeur, le remplaçant de Ritchie Blackmore, le guitariste original, qui avait vraiment un très très mauvais caractère, apparemment. Donc, c'est la pièce Sometimes I Feel Like Screaming, tirée de leur album Perpendicular, le premier qu'ils ont fait avec Steve Morse en 1996. Juste avant ça, on a entendu un classique, la pièce titre de l'album Burn, de 1974, le premier album sur lequel paraissait David Coverdale. Et au début du bloc, on a entendu Stormbringer, la pièce titre de ce deuxième album de David Coverdale, paru aussi en 1974. Vendredi prochain, plutôt, à Rock Classic, je vais vous présenter une émission très ensoleillée, tout à fait appropriée à l'été, beau temps, mauvais temps. En fait, il s'agit d'un spécial estival avec des pièces qui évoquent la belle saison. Je vais vous présenter aussi un groupe très obscur de rock psychédélique, Ultimate Spinach. Spinach. Des épinards? Oui. Spinach? Spinach. Spinach? Spinach. C'est spinach, on dit. Spinach. Oui, on demandera à Popeye. Avec leur album Behold and See de 1968, je vais aussi vous présenter un album qui était très marquant il y a 30 ans, l'été 78, album Some Girls. Les Rolling Stones, un petit bijou, les Stones. Finalement, je vais vous présenter une nouveauté, le tout nouvel album de Alice Cooper, Along Came a Spider. Album concept qui parle d'un tueur fou. Pas d'araignée. C'est son nom. Spider. Spider? Oui. C'est virgule, ça. Ouais. Tout à fait. C'est mieux que Spinach. Je vous laisse avec une dernière pièce. Il s'agit d'une pièce de Pink Floyd tout à fait appropriée à l'été et qui va nous mettre dans le bain pour l'émission de la semaine prochaine. Il s'agit d'une pièce qu'on retrouve sur l'album Automart Mother de 1970. C'est un album que j'aime bien, Pink Floyd. Bon, c'est pas leur meilleur, mais j'ai toujours bien aimé cet album. La pièce Fat Old Son. Et je vous souhaite une excellente semaine à tous. Je vous retrouve à 13h vendredi pour une autre émission rock classique. Salut! When that fat old sun in the sky's falling, summer evening birds are calling. Summer Sunday and the year, the sound. Distant bells, new mown grass smells so feet up off the ground, and if you